chance de... Mardi 23 juin 2015. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, le réveil culturel de France Culture. Dans un instant, Frédéric Brun, qui est déjà avec nous, nous parlera de Novalis. Sur les traces de Novalis, c'est la série de cette semaine. Et en deuxième partie, je recevrai un jeune auteur, Ryan Ouamara, qui sort un premier recueil de nouvelles. Les années d'apprentissage sont destinées aux jeunes poètes. Sur les traces de Novalis par Frédéric Brun, écrivain, éditeur, aujourd'hui deuxième épisode, l'enfance et les années de formation de Novalis. Mais alors vous, Frédéric Brun, vous êtes allé sur les traces et de l'enfance et de l'apprentissage de Novalis pour découvrir un peu les décors de la vie qui entourait Novalis. Oui, j'ai pu en fait découvrir tous les lieux de vie où a vécu Novalis, parce que Novalis a peu voyagé. Il est toujours resté dans sa région, il n'est jamais sorti de son pays, mais par contre, il a traversé sa région sans arrêt. Chaque mois, il allait de ville en ville. Et donc, ça a été très intéressant de suivre son parcours. Alors, c'est quoi la région ? Alors, la région, elle est à cheval entre la Saxe-Anhalt et la Thuringe. En fait, c'est en Allemagne de l'Est, dans un petit périmètre autour de la ville de Leipzig. J'ai commencé par découvrir la maison natale de Novalis, où il a vécu ses premières années. Et cette maison, symboliquement, est très intéressante maintenant pour Novalis, parce qu'elle est devenue la fondation et le centre de recherche sur Novalis, où des universitaires du monde entier viennent se retrouver. Il y a une bibliothèque où il y a environ 2000 volumes des œuvres de Novalis qui ont été traduites dans le monde entier, de nombreux essais, de nombreuses biographies. Et ça a été très émouvant de voir cette fondation, non seulement parce que Novalis donc a vécu ses premières années d'enfance, qui c'était un manoir assez austère au départ, où il vivait dans l'ambiance familiale très austère. Et au fil du temps, grâce aux rénovations, maintenant c'est devenu un lieu vivant, un lieu où on vient se réunir pour parler de lui. Et comment ce manoir a été préservé par les affres du temps, les soubresauts de l'histoire, Frédéric Brun, dans cette partie de l'Europe qui va connaître des pages très sombres? Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a voulu, on a cherché à détruire ce manoir, notamment pendant l'ère de l'Allemagne de l'Est. Les autorités avaient décidé de détruire cette maison de Novalis. Et grâce à des bénévoles de ces villages d'Oberwiderstedt, il a pu être rénové. Ce qui est assez pittoresque, c'est qu'on vient de retrouver un document intitulé OPK Novalis, Opération Contrôle Novalis, dans lequel on voit comment les autorités surveillaient les travaux de rénovation. Il faut dire que Novalis n'était pas du tout apprécié dans l'Allemagne de l'Est, parce qu'il était considéré non seulement comme trop religieux, et puis comme un doux rêveur et noble en plus. Donc il avait tous les défauts possibles pour cette époque. Donc il n'était pas enseigné dans cette partie de l'Allemagne qu'on a appelée la RDA. Exactement. Alors ensuite, après ce pèlerinage dans sa maison natale, je me suis rendu dans les villes universitaires. Donc il y a trois villes universitaires pour Novalis. La première a été Iéna. Iéna est très importante pour le premier romantisme allemand dont on a déjà parlé, parce que c'est la ville où Goethe a voulu vraiment introduire toute la richesse intellectuelle du pays. Donc il a invité les philosophes, il a entraîné Schiller enseigner là-bas. Novalis, quand il est arrivé à Iéna, a assisté au premier cours d'histoire de Schiller, qui était vraiment un événement dans les années 1790. On se disputait pour entrer dans les salles de cours. Novalis a eu très envie de devenir son ami. Mmh. Il avait 12 ans de différence d'âge. À peu près. Mmh. Et grâce à son précepteur, il a pu se mettre en contact et faire la connaissance de Schiller, qu'il a apprécié, qu'il l'a invité à discuter dans sa maison, l'a invité à dîner et même lui a proposé de le veiller. Quand Schiller est devenu très malade, il lui a proposé de le veiller. Donc ça a été un moment assez marquant dans la vie de Novalis. Mais pourquoi Novalis considérait Schiller comme l'idéal de beauté poétique et morale, de liberté et de pureté, Frédéric Brun? Il a été très marqué par Schiller, mais ce n'est pas la rencontre la plus importante pour Novalis, Schiller. Je pense qu'il y a des rencontres plus marquantes comme celle des frères Schlegel. En revanche, j'ai eu l'occasion de lire un essai de Schiller qui s'appelle « Sur la poésie naïve et sentimentale ». Et c'est un essai qui pourrait correspondre à Novalis, parce que dans cet essai, Schiller nous dit qu'il y a deux sortes de poètes. Il y a le poète naïf et le poète sentimental. Le poète naïf, c'est celui qui vit naturellement dans l'harmonie du monde. Et le poète sentimental, c'est celui qui cherche sans fin à retrouver l'harmonie du monde. On peut dire que Novalis, d'une certaine manière, a eu le grand bonheur d'être un poète naïf, dans le sens où il n'a pas eu de difficulté à trouver cette harmonie. Et la poésie contemporaine, les poètes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à trouver cette harmonie, donc on pourrait, au sens de Schiller, les nommer poètes sentimentaux. Est-ce qu'on peut parler d'un lien d'amitié entre Schiller et Novalis, Frédéric Brun? Oui, on peut parler d'un lien d'amitié, mais ils se sont perdus de vue. Ils n'ont pas continué à se voir après les années. Ce n'est pas des relations d'un disciple avec son maître. Non, pas du tout. Et pourtant, dans votre livre, Novalis et la poétique du monde, chez Poésis, Frédéric Brun, vous publiez une lettre de Novalis parlant de Schiller, et c'est vraiment on a l'impression qu'il admire Schiller. Il dit « Combien est vivace en moi le souvenir de ces heures où je vis pour la première fois l'idole rêvée aux heures les plus belles de mon enfance, alors que la puissance souveraine des muses et des grâces faisait sur mon âme juvénile la première impression radieuse et durable. Son regard me prosterna dans la poussière et puis me redressa de nouveau. Je lui donnai ma confiance la plus entière, la plus illimitée, dès les premiers instants. Et je n'ai jamais eu le moindre soupçon que ma confiance fût précipitée. Mon cœur battait fièrement, car cet homme était un Allemand. Je le connaissais, il était mon ami. » Oui, c'est un coup de foudre, mais j'ai... Un coup de foudre, il y a un peu de nationalisme aussi, là, dans cette déclaration d'amour, Frédéric Brun. Oui, un petit peu de nationalisme. On aura peut-être l'occasion de reparler du problème du romantisme et du nazisme. Mais j'ai pris cet extrait, en fait, parce que c'est assez... On s'attend pas à entendre Novalis parler de cette manière au moment où il arrive à Iéna pour faire des études de droit, des études très sérieuses, où il doit devenir directeur des salines de sa région. Et là, il est à la fois naïf et sentimental. Et là, il commence par parler de muse et de grâce. Ouais. Donc, on commence déjà à s'éloigner des études de droit. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. En quoi ces études de droit, en quoi sa formation universitaire va le conforter dans sa manière de voir le monde à travers la poésie? Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans la vie de Novalis, c'est qu'il n'a jamais choisi entre l'activité littéraire et sa formation universitaire. Il a toujours poussé très loin ses études. Sur le plan du droit, il a fait des études scientifiques très poussées puisqu'il a été admis à l'Académie des mines de Freiberg, qui sont l'équivalent de l'école des mines ou l'école polytechnique. Donc il était fort en mathématiques, il était assez initié en philosophie. Il a poussé ses études vraiment loin et en même temps, il a voulu continuer à écrire ses livres. Et ça, c'est tout à fait remarquable parce que on se demande comment il a eu le temps de faire tout ça. Je crois qu'il écrivait la nuit, il lisait la nuit, il faisait tout très rapidement. Et il considérait l'activité littéraire, ça va peut-être vous surprendre, comme une activité secondaire. Pour lui, la priorité, c'était de terminer ses études pour avoir les moyens d'entretenir une famille, de se marier, d'avoir des enfants. C'était sa priorité absolue. Et quand on découvre son œuvre, on est surpris de savoir que c'était sa priorité absolue. Et s'il fallait continuer son parcours universitaire, Frédéric Brun? Alors, après Iéna, où d'ailleurs il a eu, on l'a appelé Fritz le papillon, parce qu'il a, un petit peu une vie un peu dissolue, de fille en fille, il a failli être provoqué en duel. Et son père a demandé à Schiller de le remettre sur le droit chemin, et il a changé d'université, il est parti à Leipzig. À Leipzig, il a fait une rencontre très importante, qui est celle des frères Schlegel. Mais il ne reste pratiquement rien de Novalis à Leipzig, malgré la présence de l'université. Mais sur cette ville, qui était la ville du livre à l'époque, trône encore une tour qui est en forme de livre. Et c'est assez symbolique de se dire que Novalis a étudié dans cette ville, qui est devenue une capitale du livre, où il y a cette tour. Cette ville où Novalis a rêvé de romantiser le monde et où il avait dit que l'art d'écrire n'avait pas encore été inventé. Et vous dites qu'à cette époque-là, dans son journal, du moins cette partie de son journal qui a pu être sauvée, Novalis écrivait alors qu'il était très intéressé par les savants, donc des scientifiques, les savants éminents et l'amour des muses, et qu'il avait déjà une certaine habileté à manier le langage philosophique. On voit bien que sa vie va être partagée presque en trois, la poésie, la philosophie et les sciences. Oui, et toute sa préoccupation va être comment réunir ces disciplines. Il va le faire. On verra ça demain avec vous, toujours Frédéric Brun. Je vous rappelle la publication de votre livre sur Novalis, Novalis et l'âme poétique du monde, chez Poésis. Demain, on se retrouve pour le troisième épisode sur les traces de Novalis. À demain. À demain. Merci. Wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nicht vergisst, weiß ich nichts von Leide, fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude. Lass ich alles gern, folg an meinem Wanderstabe treu gesinnt, nur meinem Herrn. Lasse still die anderen, breite, lichte, volle Straßen wandern. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Brüder, find ich nur in seinen Jüngern wieder. Et maintenant, l'invité culturel. life. You never made any sacrifice. Demons err on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my prize. Did y'all sell all that is mine? Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. Bonjour Ryan Ouamara. Bonjour. Vous êtes né à Tremblay en France dans le 93, en mars 1990. Vous êtes donc jeune, même si ça s'entend pas à la radio. Et souriant, là ça s'entend à la radio. Et je précise ça parce que tout en étant jeune et souriant, on a l'impression que pour vous le monde court à sa perte. Car c'est comme ça qu'on pourrait résumer les 15 nouvelles regroupées sous le titre « Au pied du mur ». Vous ne vous faites aucune illusion sur le genre humain à l'heure des grandes désolidarisations de Porto Rico à Paris. En passant par l'Algérie, le Mexique, les petites et grandes banlieues françaises, vos nouvelles ressemblent à des sordides faits divers lus dans la presse, c'est-à-dire qu'elles sont tout aussi captivantes que désespérantes. Bien, écoutez, j'ai eu envie, à travers ces 15 nouvelles, de dépeindre les sentiments humains et dans leur profondeur et, leur complexité. C'est-à-dire que je pense que nous sommes des êtres bicéphales, on est partagé dans une dualité entre le bien et le mal. Et j'ai l'impression aujourd'hui que dans ce système dans lequel nous évoluons, les sentiments que nous avons, qui peuvent être néfastes, sont exacerbés. Pour certains, dans ce système où je dis clairement, où l'argent est la valeur suprême et où l'humanité est un peu moins mise en valeur ou du moins est reléguée dans un second plan. Et je pense que c'est le cri d'un pacifiste, mais d'un indigné, malgré mon jeune âge. Et alors, ça peut paraître un livre comme le cri d'un résigné, mais j'ai quand même l'espoir. J'ai plutôt voulu, à travers ce livre, dépeindre la noirceur de ce monde pour justement interpeller, choquer et pousser à la réflexion. Est-ce que toutes ces histoires, ces 15 nouvelles, se basent sur un fait divers réel ou c'est totalement de la fiction ? Il y a de la fiction, il y a d'autres histoires qui sont issues d'histoires personnelles qui a pu arriver à mes proches, des récits qui ne sont pas toujours sanglants. Et puis d'autres, c'est inspiré clairement de faits divers. Alors, il y a des assassinats, du trafic de drogue, il y a un viol collectif, il n'y a que de la désillusion. Quel drôle de tableau vous nous dressez du monde d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un monde sans frontières, hein, apparemment. le genre humain, pour vous, il est le même de part et d'autre de la planète. Tout à fait, oui. L'homme, qu'il soit d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique ou d'Europe, garde ce même sentiment en lui. On est fait de, on est composé de chair et d'os, qu'on soit n'importe où sur la planète. Donc, c'était vraiment le cri d'un indigné à travers ces 15 nouvelles. C'est la troisième fois que vous dites indigné. Oui, est-ce oui. que c'est un mouvement dans lequel vous vous retrouvez, Ryan Ouamara ? C'est clairement un mouvement dans lequel je me retrouve parce que, je ne sais pas, mais aujourd'hui, moi, à travers mon histoire aussi personnelle, j'ai aujourd'hui 25 ans, il y a plein de choses qui me révoltent et je trouverais ça dommage qu'à mon âge, on puisse... Faut dire jeune âge, ouais. Oui, qu'à mon jeune âge, on puisse déjà être résigné de vivre dans ce monde qui ne plaît pas forcément à grand monde. aujourd'hui. Quand je vois qu'on envoie plein de jeunes à faire de longues études et qui se retrouvent derrière, c'est pour moi c'est de l'abattoir, ils se retrouvent derrière sans diplômé mais sans emploi. Quand je vois de plus en plus de jeunes qui dorment dans les rues, quand je vois la hausse du chômage et à côté de ça des gens qui vivent dans du luxe à la limite de l'indécence, j'avais pas envie de décrire un monde. Alors je peux paraître binaire, c'est pas il y a le mal et le bien, mais j'avais pas envie de livrer une vision utopique ou c'est le monde des bisounours. Au pied du mur, donc c'est le titre de cet ouvrage qui réunit 15 nouvelles et en préface, vous nous dites que c'est un fait divers réel qui vous a donné envie de raconter ces histoires. Et ce fait divers, c'est quoi? C'est une femme de 29 ans qui va se faire agresser dans le métro sans que personne ne bronche. Ce fait divers m'a interpellé, déjà d'une part par sa cruauté, mais aussi je trouve que c'est le symbole d'une dérive de notre société actuelle, à savoir l'égoïsme, quelque part, oui, c'est être égoïste que ne pas agir, mais le fait que, je suis sûr que ce jour-là, dans ce métro, quand cette femme, ou dans sa RER, quand cette femme se fait agresser, la majorité des gens le voient, souffrent, mais ne vont pas agir parce que c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On n'agit pas tant que le malheur ne nous touche pas personnellement, alors on se résigne et c'est désolant. C'est la fin de la solidarité, des solidarités, et vous dites, Ryan Ouamara, dans ce monde-là, il faut courir pour un tas de choses en fermant les yeux et sans jamais s'arrêter. Voilà la règle d'or, courir après l'argent, courir pour se nourrir, courir pour se loger, courir pour se construire une situation, courir pour s'offrir du confort, du loisir ou toute autre dose d'opium qui nous permette de décompresser un tant soit peu. Mais alors, vous-même, c'est quoi votre vie, Ryan Ouamara? Je suppose que c'est votre premier passage à France Culture. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes né où? Vous avez fait quelles études? Et comment êtes-vous arrivé à la littérature, à l'envie d'écrire? Puisque c'est bon de le rappeler, en début de chaque nouvelle, il y a quand même une citation de quelques auteurs célèbres, ou de personnalités célèbres, ça va de Voltaire à Andy Warhol pour résumer, donc votre spectre est large. Alors vous êtes né où? Alors, je suis né, comme vous l'avez dit, à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. De là, j'ai toujours grandi en Seine-Saint-Denis, à Villepinte plus précisément, donc une commune qui se trouve juste à côté de Tremblay, dans la maison familiale. J'ai mené des études d'abord au lycée avec des études donc littéraires, puis ensuite un DUT en communication. J'ai suivi cette voie de la communication avec jusqu'à un master à l'Université de Nanterre. Et à chaque fois, c'était votre choix qui primait sur l'orientation de l'établissement scolaire, des établissements scolaires que vous avez traversés? Tout à fait, oui. Bien. Mais faut savoir que j'ai longtemps hésité à faire une école de journalisme, puisque aujourd'hui, je me destine plus à faire du journalisme. Mais j'avais cette barrière, psychologique, un frein qui me, je sais pas, c'est comme si l'école journaliste n'était pas destinée pour moi, donc je me suis. Quand vous dites vous faites allusion à vos origines maghrébines, je suppose, Ryan Ouamara? Oui, tout à fait, oui. Bon, ouais. C'est quelque part, peut-être que je m'étais mis ce frein-là, un monde qui me paraissait peut-être élitiste, auquel je n'appartenais pas, ou du moins j'avais pas cette légitimité d'appartenir à ce monde-là, bien qu'aujourd'hui je me destine à faire du journalisme. Et donc j'obtiens ce master récent, hein, de l'an passé, je l'ai obtenu l'an passé, donc un master 2 en communication. Et aujourd'hui, je me lance dans cette mission périlleuse qui est de trouver un emploi de manière pérenne dans le journalisme. Et entre-temps, comment vous faites pour vivre? Maintenant, je suis heureusement que mes parents sont là pour m'aider financièrement. Je fais quelques piges, notamment aux Parisiens, pour quelques magazines et journaux, les journaux municipaux également. Mais c'est pas évident de trouver un emploi stable. Et l'écriture alors? Et donc du coup alors, l'écriture, ça a commencé par un essai, c'était en 2013, j'étais encore étudiant, un essai qui mêlait la question de football et des banlieues, puisque je suis très attaché également à la question des banlieues. Et donc à travers le prisme de Naïsna, c'était donc ce drame qui a touché l'équipe de France en 2010. Donc j'ai écrit, voilà, j'ai livré ma pensée sur un peu plus de 180 pages sur la question des banlieues, du football, des quartiers. Et donc l'envie d'écrire qui a toujours été présente chez moi s'est traduite ensuite par l'envie de me tourner vers la littérature. Et j'ai commencé avec ce recueil de nouvelles parce que le roman me faisait un peu peur sur la distance. Et vous êtes un gros lecteur ? Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, je ne suis pas un fan de lecture, même si j'apprécie particulièrement par exemple l'œuvre de Bret Easton Ellis ou les touches surréalistes qu'on peut retrouver dans des œuvres comme de celle de Stephen King. Mais je ne suis pas un grand consommateur de livres, je suis plutôt plus cinéphile. C'est vrai ? Oui. Bon, et ben j'espère que ce n'est pas votre dernier livre, hein, parce que ce sont des nouvelles qui nous ont beaucoup plu ici dans Un autre jour est possible, même si, effectivement, je le rappelle, ça ressemble vraiment à des faits divers. Hein. Vous l'avez conçu comme ça, ce recueil au pied du mur, et c'est édité par une maison qui se trouve à Saint-Denis, c'est ça ? Mm-hmm. Et 10 livres ? Tout à fait. C'est quoi l'histoire de cet éditeur ? C'est un éditeur indépendant, je suppose ? Oui, tout à fait. C'est un petit éditeur indépendant, mais qui laisse, disons, la chance aux jeunes auteurs. Aux jeunes auteurs d'être publiés, d'avoir ils ont une ligne d'éditoriale qui est assez large, qui va de la poésie aux nouvelles, aux romans, à l'essai. Le fait aussi, c'est comme un symbole, mais le fait que cette maison d'édition soit basée à Saint-Denis, donc dans un fief du 93, c'était un symbole pour moi qui me plaisait de dire que. Qu'aujourd'hui, la littérature, c'est pas le 6e arrondissement. Quoi. Tout à fait, parce que j'ai le sentiment que dans les quartiers, la littérature, c'est quelque chose qui est perçu comme un domaine ennuyeux, ennuyant. Or, c'est pas le cas du tout. Merci beaucoup, Ryan Ouamara, d'être passé ce matin, et j'espère à très bientôt sur les ondes de France Culture. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel tous les jours à 6h du matin ou quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. On se retrouve demain pour parler d'un premier film que je vous recommande vivement l'année prochaine, de Vania Le Turc, et en première partie, Frédéric Brun sur les traces de Novalis. Bonne matinée, à demain. Thank you.